بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فإن في الجور الأساس بمدى رمضان de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous a permis d'assister à ce cours que nous a été prodigué, qui nous a été prodigué par notre cheikh, qui nous a été dispensé par notre cheikh Fouad ibn Saoud al-Amri Hafidahullah ta'ala. Le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, sera demain ou après-demain. Inch'Allah, on vous mettra au courant. Les frères mettront cela sur la chaîne Telegram, Ahl-Dikr, ou sur le site Ahl-Dikr, Inch'Allah ta'ala, puisque le cours était censé être avec son frère, Cheikh Oussama, Hafidahullah ta'ala, qui est toujours disponible pour nous, Jazahullah khayran, depuis, ça fait maintenant 5 ans d'affilée qu'il donne cours, donc Cheikh Oussama, Cheikh Fouad aussi 5 ans. Simplement, l'année dernière, il n'a pas pu donner dans cette mosquée. Son frère Cheikh Oussama avait répondu présent, mais Cheikh Fouad était occupé. Et Cheikh Oussama donc est toujours disponible pour nous, Hafidahullah tabaraka wa ta'ala. Il a choisi comme thème Fada'il al-Qur'an, c'est-à-dire les mérites du Qur'an. Mais pour la date précise, les frères vous tiendront au courant, Inch'Allah, ce sera soit demain, soit après-demain, ou peut-être jeudi. On aura aussi dans la semaine, Inch'Allah, une allocution de notre cheikh, qui fait partie des grands savants de Médine, Cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin, Habidahullahu Tabaraka wa Ta'ala, qui, comme tous les ans aussi depuis des années, a répondu présent, Jazahullahu Khayran. Ce sera une petite allocution, peut-être le même jour que le cours de Cheikh Oussama, Habidahullah, du fait que Cheikh Abdurrahman est très occupé par l'iftar et par certains cours, etc., etc. Donc ce sera, il est possible que ce sera en même temps que le cours de Cheikh Oussama, c'est-à-dire un petit peu avant, un petit peu après, comme il est possible que ce soit uniquement sur la radio. Donc vous verrez les affiches que les frères vont faire et vont mettre à votre disposition, Inch'Allah ta'ala. Par rapport au cours d'aujourd'hui, il était très complet, Hafidahullah. Cheikh Hafidahullah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait un cours très complet qui traitait de l'appel à Allah Azza wa Jal, Da'watu ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on va se contenter de la traduction avec, comme on a l'habitude, une brève présentation du Cheikh. Une chose très importante, toujours sur la base de la parole d'Allah, la base de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il a dit dans, donc il a répété dans deux versets de son livre, fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. C'est pour cela que dans ces appels téléphoniques nous revenons aux gens de science. Et le cours que tu viens prendre aujourd'hui à la mosquée, c'est un cours que tu prends directement des savants et des grands étudiants en science, et parfois des grands savants comme avec notre cheikh Hassan ibn Abdullah al-Banna, comme avec notre cheikh Abdurrahman Muhiddin cette semaine, Inch'Allah ta'ala. Et ce n'est pas un cours que tu assistes du frère un tel ou un tel parmi des petits étudiants de science comme nous. Donc c'est bien cela que nous faisons ici, et nous essayons de mettre en application et d'obéir ce verset, d'obéir à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a donné dans ce verset, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Bien sûr, cette brève présentation que nous avons l'habitude de faire sur chacun des mashayikhs que nous appelons, c'est sur la parole de Muhammad ibn Sirin, qui faisait partie des imams de Tabi'in, et autres parmi as-salaf radhiyallahu alayhim. Cette parole a été rapportée certes parmi les sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, et plusieurs parmi as-salaf, où il disait inna hadha al-ilm dinun فَانْدُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. C'est pour cela qu'on a l'habitude de faire une brève présentation des mashayikhs que nous appelons et vous mettre en évidence, et la chose qui est la plus importante ici, les recommandations des gens de science pour eux. Je ne vais pas m'attarder sur la brève présentation que j'ai l'habitude de faire, ou plutôt la brève introduction que j'ai l'habitude de faire, car Cheikh a été vraiment, nous a donné un cours qui est très très complet. Je vais juste mettre en évidence une chose qui est en relation avec ce cours, qui portait de l'appel à Allah, qui portait sur l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, sur al-da'wa. C'est un sujet qu'on a traité, que le Mashiach, ils ont traité depuis des années, pendant ces appels. C'est un sujet qu'on a l'habitude de traiter aussi dans ces introductions. Le fait que l'appel à Allah, tabaraka wa ta'ala, al-da'wah, c'est une chose qui est ouverte à tout le monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Balighu anni walu aya » Rapportez de moi ne serait-ce qu'un signe, un verset, un hadith, une parole. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Mais cette chose-là, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, il doit être construit, c'est-à-dire cet appel à Allah Azzawajal doit être construit sur la science. Tu appelles à Allah Tabaraka wa Ta'ala avec science. Tu rapportes un signe, un verset, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec science. Une fois que tu as su d'une science certaine cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te sera permis de la rapporter. Donc, da'wah, l'appel à Allah Azzawajal, il appartient à tout à chacun. C'est même une obligation pour toi, au moment où tu as appris quelque chose, tu l'as acquis d'une science certaine, de le transmettre. De le transmettre à qui ? À tes proches en premier lieu. C'est-à-dire que la da'wah, dans une chose dans laquelle les frères se trompent beaucoup, que ce soit des frères qui ont étudié, comme des frères qui n'ont pas étudié, qui regardent certaines personnes qui ont peut-être étudié, ou etc., qui se trompent dans cela, le fait de penser que la da'wah, elle est restreinte dans... que l'appel à Allah Azzawajal est restreint dans le fait de donner des cours, de venir dans une mosquée, de mettre une table, s'asseoir sur une chaise et de commencer à donner un cours, de faire un commentaire d'un livre, etc., etc. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que cette chose-là, le fait de donner des cours, ça fait partie de la da'wah, mais ce n'est pas cela la da'wah. La da'wah n'est pas restreinte dans cela. La da'wah, c'est le fait de donner juste une bonne parole, de donner un conseil à ton frère, d'ordonner le bien et de réprouver le blâmable. Le fait d'imprimer des livres, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de science, mais il a, peut-être Allah Azza wa Jalla lui a accordé certains moyens, qu'il fait qu'il peut imprimer des livres, qui appelle à la sunna, cette personne-là va imprimer des livres, va les transmettre aux gens, à partir de là, ce serait une da'wah. Le fait d'interdire à les gens les plus proches de toi, comme tes enfants, comme ta femme, comme tes parents, leur interdire le blâmable, leur ordonner le convenable, ceci est une da'wah. Donc la da'wah n'est pas, il faut bien comprendre cela, n'est pas restreinte dans le fait de donner des cours, de donner des cours magistraux, etc. Ça c'est une grande erreur. C'est une première chose, un premier point. Et vous voyez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre de da'wah qui lui a été donné en premier, c'était d'avertir ses gens proches. « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » D'avertir les gens qui étaient les plus proches de lui. Donc tu commences par cela, une personne qui va donner des cours magistraux à des kilomètres de chez lui et qui, ses enfants ou sa femme ou ses parents, ils sont dans de l'ignorance, ils les laissent comme cela, ou ils sont dans de l'égarement, ils les laissent comme cela, c'est une personne qui n'aura pas fait la da'wah comme il lui sera demandé. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, le fait de bien savoir et de bien se rendre compte que da'wah, l'appel à Allah Azza wa Jal, c'est un, comme ils disent les ulama, maqam taklif wa laysa maqam tashrif. C'est une place d'obligation. C'est une place d'obligation. C'est-à-dire que tu portes des obligations sur tes épaules. Tu portes des obligations sur tes épaules et ce n'est pas une place de noblesse ou un titre de noblesse. Le fait de donner des cours, d'être da'i ou d'être etc. Ce n'est pas un titre de noblesse, mais plutôt c'est une place difficile. Et c'est la place qu'occupaient les prophètes alayhim salatu wassalam dans leur communauté. Dans leur communauté, celui qui appelait à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'était le prophète de chaque communauté, qui a été envoyé à chaque communauté. Donc, à partir de là, nous voyons, il nous apparaît clairement la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Al-ulama warathatul anbiya » Les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Une fois qu'il n'y a plus de prophètes ni de messagers, comme après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui prennent cette place, la place d'appel à Allah, de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont les ulama. C'est pour cela, comme le shir a évoqué, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait aussi ses émissaires parmi Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu et autres que lui, afin d'appeler à Allah azza wa jalla. Il les choisissait en fonction de ce qu'il savait de eux, de science et de bon comportement. C'est eux qui prennent cette obligation, qui portent cette obligation sur leurs épaules. Ce n'est pas n'importe qui. Et donc à la base, cette obligation, c'est une obligation qui a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala à ses prophètes et à ses messagers. Bien savoir cela, donc c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, dans le sens de ses paroles, nous ne donnons pas le commandement à celui qui le demande. Vous comprenez, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui doit se mériter. Et le shir a bien expliqué tout cela. Inch'Allah, on va se contenter de ce qu'a dit le shir. Donc c'était un petit point aussi que je voulais détailler. Une dernière chose, comme on a l'habitude de détailler dans ces brèves présentations, enfin ces brèves introductions qu'on a l'habitude de faire, le fait que ici, comme on a dit, tu viens prendre l'héritage des prophètes dans ces assises de science, car tu viens prendre la science auprès des héritiers des prophètes qui sont l'ulama et les grands étudiants en science, donc les savants, les grands étudiants en science, les grands savants. C'est ce que tu viens faire ici dans ces appels téléphoniques que nous faisons depuis des années maintenant, walhamdulillah. Et c'est un droit que tu as, et c'est aussi une obligation que tu as de demander après cette personne de qui tu viens prendre la religion d'Allah Azzawajal, de qui tu viens apprendre la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la chose la plus importante pour toi, la chose sur laquelle tu seras questionné dès que tu seras mis en terre dans ta tombe, la chose sur laquelle tu seras questionné yawm al-qiyama, ta religion. Et ces cours que tu viens prendre dans la mosquée, en général quand tu vas à la mosquée, tu les prends d'une personne, comme parfois tu peux les prendre d'un livre. Toutes ces choses là il faut que tu demandes. C'est un droit que tu as. Tu demandes après cette personne qui te donne un cours, qui est cette personne qui est devant moi, qui est cette personne qui fait le khutbah, qui fait le prêche, qui est cette personne qui a écrit ce livre que tu m'envoies, qui est cette personne qui a écrit cette parole que tu m'as envoyée sur ces réseaux sociaux comme le WhatsApp, etc. Qui sont ces gens de qui tu veux que j'apprenne ma religion? Cette chose-là, c'est un droit que tu as, et c'est même une obligation de savoir et de demander après ces gens-là. Et on voit, c'est une chose qu'on a beaucoup remarqué, que les musulmans en général, c'est une réalité, et en particulier les musulmans d'Occident, comme d'Europe, d'Amérique, qui sont beaucoup laxistes en fait sur cela. Ils se laissent beaucoup emporter, c'est-à-dire une personne te dit un tel c'est bon, c'est un frère qui a étudié et tout, comme cela, et il n'y a pas de problème. Ça c'est un sujet aussi qu'on va traiter, comme je l'ai dit, comme on a l'habitude de traiter tous les ans dans ces petites introductions, sur ce qui a trait à tesqiyat, c'est-à-dire les recommandations des gens de science sur la personne qui donne la science. Mais pour résumer, il faut pas se laisser influencer et se laisser berner par certaines paroles, un tel et un tel, un tel et un tel. Il faut être sûr de ce que tu fais, car tu viens prendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de la bouche de cette personne, de ce cours que tu écoutes, de ce livre que tu lis, de cette parole que tu lis qui t'a été envoyée, cette traduction. Ces choses-là, c'est des choses qui sont, c'est le plus important pour toi, c'est la première chose sur laquelle tu seras questionné. Donc ne sois pas laxiste sur cela. Une autre chose, et une dernière, je vais terminer sur cela, on a l'habitude de mettre l'accent sur cela, le fait que une telle personne a étudié chez un tel, ça ne veut pas dire que cette personne est viable pour donner des cours. On a l'habitude de le mettre en avant cela, qu'une personne te dit oui c'est bon, c'est un frère qui a étudié dans tel endroit, c'est un frère qui a étudié autant de temps, autant d'années, c'est un frère, bien souvent comme vous savez le cas ici en France, etc., c'est un frère qui n'a pas étudié, mais un tel le connaît en bien, etc. Ça on va le traiter dans le sujet quand on va traiter le sujet ayant trait aux tesquiat, aux recommandations. Mais le fait de ne pas être laxiste dans cela, le fait qu'une telle personne a étudié chez un tel parmi les savants, ne veut pas dire qu'elle est viable à donner des cours. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Parfois une personne a étudié pendant des années chez des gens de science qui étaient des imams de ce siècle, et Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim, et on voit que ces personnes-là, ils ont étudié pendant des années, ce sont des personnes qui ont dévié, qui aujourd'hui ont dévié, comme Ali Hassan Al-Halabi, Mashour Salman, Abu Youssef qui est venu ici en France, l'Uwaisha, ces gens-là qui se prétendent des élèves de Cheikh Al-Albani, qui ont tous dévié, Salman Al-Aouda, qui se prétendaient des élèves de Cheikh Ibn Baz, etc. Ces gens qui ont dévié, qui sont des grands égareurs, égarés. Pourtant, ils ont pris la science de qui ? Des imams de ce siècle, pendant des années. Donc cela, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une chose qui va faire que tu vas aller vers la personne pour prendre de lui. Pareil, il a peut-être un bon manhaj, mais il n'a pas de quoi donner la science. Il a une personne qui a un bon manhaj, qui a étudié un petit peu, mais qui n'a pas de quoi donner la science, qui n'a pas la méthode, qui n'a pas de quoi donner la science, il n'a pas acquis assez. Pareil, une personne qui a acquis, mais qui n'a pas un bon manhaj. Donc ce qu'on vient de dire par rapport à ces gens-là qui ont étudié pendant des années auprès des gens de science. Pareil, une personne qui a un bon manhaj, qui a appris de la science, mais malgré cela, on voit que les gens chez qui il a étudié, ils ne le recommandent pas pour donner des cours. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains facteurs qui peuvent rentrer en compte, comme par exemple le comportement. Ils savent de cette personne-là que c'est quelqu'un qui est salafi, il a un bon manhaj, c'est quelqu'un qui a appris de la science, il a des bagages pour pouvoir enseigner aux gens. Mais les gens chez qui le connaissent, chez qui il a étudié, ils voient que ce n'est pas quelqu'un qui doit donner cours. Peut-être parce que pour lui, ce sera une tentation. Ils le connaissent comme quelqu'un qui va tenter. Comme par exemple, certaines personnes qui peuvent voyager de certains pays vers par exemple la France. Si tu reviens vers certaines personnes de son pays, ils vont te dire non, ne prenez pas de lui. C'est un salafi, c'est quelqu'un qu'on connaît en bien, c'est pas quelqu'un qui donne des cours. Pourquoi ? Parce que ça peut être une tentation pour lui de venir donner des cours dans un autre pays que le sien, dans un pays non arabophone, etc., etc. Pareil, le fait qu'il connaisse de lui certains comportements qui font que ce n'est pas le comportement d'un da'i, de celui qui doit appeler Allah Azza wa Jal, comme le manque de hikmah, comme on va le voir dans le cours, qu'on va commencer la traduction tout de suite. Voilà, ça c'était une brève introduction comme on a l'habitude de faire. En ce qui concerne notre cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, cheikh Fouad, Hafidhahullah Ta'ala, qui nous a donné depuis des années des cours, tous ces cours, vous les retrouvez, les frères, ils les ont mis sur le site Ahl al-Dhikr. Vous les trouvez dessus sur la chaîne Telegram aussi Ahl al-Dhikr. Depuis des années, cheikh Fouad, il nous donne des conférences, Jazahullah Khairan, des conférences vraiment très très profitables. Et son frère, cheikh Oussama, aussi. Et ce sera donc, Inch'Allah, le prochain cours avec notre cheikh Oussama Ibn Saoud Al-Amri. Hafidhahullah Ta'ala. Une brève présentation de notre cheikh Fouad. C'est quelqu'un, et cette présentation, je la lis de ce que les frères ont mis sur le site Ahl al-Dhikr. Il y a une traduction, normalement j'avais fait la traduction de cette parole là en français que vous trouvez aussi sur le site, là je le lis de l'arabe rapidement. C'est une brève présentation comme on a l'habitude de faire, que vous sachiez de qui vous venez de prendre la science. Notre cheikh Fouad Al-Amri, comme son frère, comme on verra pendant sa brève biographie, sa brève présentation, c'est un membre de ce qu'on appelle Hayat Al-Amr Bil Ma'ruf Wa Nahi Anil Munkar, c'est-à-dire la brigade qui ordonne le bien et qui réprouve le mal en Arabie Saoudite. Car comme vous le savez, dans ce pays qui est le pays de la Sunna et du Tawhid, qui est un pays qui a été Dawla Saoudiya Al-Thalitha Al-Akhira Allati Na'ishu Al-An Fi Dhilliha, cette Dawla Saoudiya qui a été construite, qui a été bâtie sur le Tawhid et sur la Sunna, sur le suivi de nos pieux prédécesseurs par cet imam Al-Malik Abdelaziz Ibn Abdelrahman Ibn Faisal Al-Saoud Rahimahullahu Tabaraka wa Ta'ala Rahmatan Wasi'a. Et c'est lui qui a bâti ce pays Al-Mamlaka Al-Arabiya Al-Saoudiya Harasahullah sur Al-Tawhid et la Sunna. Vous savez que dans ce pays il y a une brigade qui a été faite spécialement par nos grands savants, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim Al-Sheikh et son successeur Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Rahimahumullah. Ils ont fait cette brigade qu'ils appellent Al-Hay'at Al-Amr Bil Ma'ruf Al-Nahi Anil Munkar. Et cette Hay'at, elle s'occupe d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Comme par exemple, s'il trouve quelqu'un qui vend de l'alcool ou qui boit de l'alcool, il s'occupe de lui d'une manière légiférée. S'il passe au moment un petit peu après l'adhan, il regarde si tous les commerces sont fermés. Car un petit peu après l'adhan, en Arabie Saoudite, comme vous le savez, il ferme les commerces. Car la prière est obligatoire. Donc il te convient après l'adhan de commencer à fermer ton commerce. Et à partir au moment de l'Iqama, elle est partie pour la prière. Pareil, en ce qui concerne les shirkiyat, c'est en premier lieu même. C'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a personne qui associe à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il s'assure aussi que qu'il n'y a pas de sorciers ni de sorcières, il les combat, il les recherche, il leur applique la peine appropriée dans notre charia, etc. Toutes ces choses qui rentrent dans le cadre du ma'ruf ou le nahi anil munkar. Il s'occupe aussi d'éditer des livres sur la sunna et de les transmettre et de les répandre, etc. Et si vous retrouvez, je pense, sur le site le décret du côté de l'Fatawa, vous trouverez une question qu'on avait posée justement à Cheikh Fouad, Habibahullah Ta'ala, qui est très investi dans cela, il y a quelques années, en 2014 ou 2015, et sur quel est le travail de cette Hay'a. Et il nous avait répondu, il nous avait bien répondu, peut-être une dizaine de minutes comme cela, et elle était traduite. Donc la réponse était traduite, vous revenez vers cela, car c'est quelque chose de très important. Ça nous aide aussi à voir l'importance de ce pays et le bienfait de vivre dans ce pays et de profiter de ce pays. Alaykoum salam wa rahmatullah. Al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya harasaha Allah wa sa'ira bilad al-muslimin. Donc notre cheikh Fouad, habibahullah ta'ala, est membre de cette hay'a. Cheikh a étudié dans l'université islamique de Médine, dans la faculté du hadith. Il a obtenu sa licence. Ensuite, il a obtenu un diplôme en grandes études, c'est-à-dire ce qui voudrait au magistère, dans l'université de Umm al-Qura à Mecca. Dans ce qu'on appelle l'Hisba. L'Hisba, c'est le fait justement de travailler dans cela, dans l'Hay'a, et de le fait de défendre la garde, le gardiennage, la sécurité, pardon. Le fait de travailler dans la sécurité, un diplôme dans la sécurité, mais cette sécurité religieuse. Il a eu un diplôme donc dans cela, dans les hautes études qu'il a fait à Umm al-Qura. Parmi les mashayikh chez qui Cheikh a étudié, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahumullah, parmi les vivants, Cheikh Abdel Mohsin Abbad, habidahumullah ta'ala, Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, habidahumullah ta'ala, Cheikh Ubayd al-Jabiri, habidahumullah tabaraka wa ta'ala. Et nous voyons que ces savants-là, ces derniers qui sont encore en vie, Cheikh Rabi' al-Imam Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, le recommande comme cela. Ce grand savant Cheikh Ubayd al-Jabiri, habidahumullah ta'ala, le recommande et lui fait tazkiya jusqu'à aujourd'hui. Ceci pour la présentation, et ceci sur pour vous mettre en avant ce point qui, à notre sens, est le plus important, le fait de vous mettre en avant les recommandations des gens de science. Car, comme je vous l'ai dit précédemment, comme on a l'habitude de le dire, quand vous regardez, comme on peut dire, le cursus de cette personne qui a étudié dans telle université, puis après le diplôme dans telle université, qui a étudié chez ces grands imams, eh bien, nous, on ne s'arrête pas à cela. On regarde aussi qui sont ces savants qui l'ont jugé viable pour donner des cours, pour enseigner, pour transmettre ce qu'il a acquis, l'ont jugé viable dans son manhaj et dans la science qu'il aura acquis. Notre cheikh, habidahullah ta'ala, après une brève présentation où il a loué Allah tabaraka wa ta'ala et fait les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, comme à la fin de cette rencontre, qu'il était très content de celle-ci. Il a fait des du'as pour ceux qui ont assisté, ceux qui ont écouté, et il était très content de cette rencontre. Cette rencontre qui est basée sur l'explication de ce verset, appel au sentier de ton Seigneur. Le cheikh de nous dire que ce verset que Allah Azza wa Jalla a fait descendre dans cette sourate, sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, cette sourate où Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé beaucoup de ses bienfaits. Il nous dit, le cheikh, qu'elle a été appelée, cette sourate, par ce nom, elle lui a été donnée ce nom-là, le nom des abeilles, la sourate des abeilles, car c'est la seule sourate du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cet animal, l'abeille. Et il nous met en évidence des choses extraordinaires qui ont attrait à cet animal. Et notre Seigneur nous met en évidence dans cette sourate la manière dont il a créé cet animal et la manière dont il a créé autre que cet animal parmi les bienfaits qu'il a rappelés, les bienfaits de sa création, les bienfaits de sa seigneurie dans cette sourate. Le cheikh de nous dire, habibahullah ta'ala, que dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ses bienfaits, les bienfaits de sa création, les bienfaits de sa seigneurie, les signes qui montrent son existence, qui prouvent sa seigneurie, qui prouvent l'obligation de l'adorer, tabaraka wa ta'ala. Il nous rappelle cela dans cette sourate. Il nous met en garde aussi dans cette sourate contre le sentier qui a été suivi par les communautés qui nous ont précédés. Dans cette sourate aussi, il, subhanahu wa ta'ala, met en évidence le degré élevé de son livre, Al-Qur'an. Il aussi, dans ce livre, dans cette sourate, pardon, nous met en évidence plusieurs bases de notre sharia, de notre législation, des bases qui sont l'égalité, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'il ordonne l'égalité, de faire des dons à ses proches, il nous met en garde contre il nous met en garde, subhanahu wa ta'ala, contre la turpitude et le blâmable, contre l'inégalité. Et le cheikh doit nous dire que tous ces enseignements sont renfermés dans cette sourate, qui est une sourate extraordinaire. Puis le cheikh nous dit que à la fin de cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé ce verset qui est le thème du cours d'aujourd'hui, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Le cheikh doit nous dire que celui qui observe avec attention ce verset, pardon, le cheikh nous dit que celui qui observe avec attention les versets qui ont précédé ce verset, il voit que Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir rappelé certains des égarements sur lesquels étaient les communautés qui nous ont précédés, nous parle de son ami intime Ibrahim alayhi salam. Et le cheikh de rappeler ces versets que je vais lire, ou dont je vais lire la traduction approximative, où il dit: Ibrahim était un guide, umma, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Le shir, après avoir lu ces versets, lit le verset qui suit. Il nous dit que dans ce verset qui suit, après avoir rappelé ces versets qui ont attrait à Ibrahim, son ami intime, alayhi salam, il parle à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: puis nous t'avons révélé, ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le verset qu'il a suivi, le sabbat, comme il est traduit ici en français, n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ceux dont il diverge. Le shir de nous dire que, ici, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des juifs qui ont divergé à propos du jour que Allah azza wa jalla avait décrété pour cette communauté afin qu'ils se reposent et que ce soit un jour de fête pour eux, qui était le jour du vendredi Al-Jumu'ah. Et cette communauté, la communauté de Al-Yahoud, des juifs, ont divergé et se sont égarés et ont plutôt divergé à propos de celui-ci et se sont détournés de ce jour qui était un jour meilleur pour eux, comme nous le dit le shir, et ont choisi As-Sabt, le jour qui suit Al-Jumu'ah. Et le shir nous dit que ceci, nous le retrouvons dans certains hadiths qui nous a été rapportés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis le shir de nous dire que Allah tabaraka wa ta'ala, après ce verset, continue à se tourner vers son prophète et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Le shir de nous dire que ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se lever au milieu des gens et de les appeler à lui, à son sentier, au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ordonne à son messager d'appliquer cette obligation et de mettre en application avec cette obligation légiférée qui est ad-da'wa, l'appel au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il lui détailla le sentier, où il lui détailla la marche à suivre dans cela en lui disant: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Par la sagesse et la bonne exhortation. Le shir de nous dire de méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles: car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Le shir de nous dire de méditer sur cette parole, de dire qu'il y a dans cette parole, dans ce verset, le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous a détaillé ce qui nous incombait, ce qui incombe à celui qui appelle à son sentier, au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui incombe d'appeler à son sentier, au sentier d'Allah Azza wa Jalla, à la religion d'Allah Azza wa Jalla, de la manière qui nous a été citée dans ce hadith, dans ce verset, pardon, la manière dont Allah Azza wa Jalla a ordonné d'appeler à son sentier son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par la sagesse et la bonne exhortation. Et il ne nous a pas été ordonné de guider les gens, car la guider est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala uniquement, comme il le dit ici: car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Le shir de nous dire que Allah Azza wa Jalla a créé le paradis, et lui a créé des créatures qui y entreraient. Comme cela, il a créé le feu de l'enfer, il lui a créé des créatures qui lui entreraient. Et en ce qui concerne la guider, celle-ci est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le da'i, celui qui appelle au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne dispose pas de la guidée qui sera la guidée qui guidera la personne sur le droit chemin, mais plutôt il sera un guide pour lui, c'est-à-dire qu'il lui montrera la voie. Il sera un guide pour lui, c'est-à-dire qu'il lui montrera la voie à suivre. Mais la guidée qui est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, seule, sans associé, c'est celle qui est en relation avec le succès qui sera accordé à celui qui aura suivi ce chemin, le chemin droit. Et le shir de nous dire, une parole ici qui est très importante, il nous dit, Habidahullah ta'ala, que ce qui nous incombe, c'est d'appeler, de montrer la guidée aux gens. De quelle manière? De la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le shir nous dit qu'il n'est en aucun cas, il n'appartient en aucun cas à celui qui appelle au sentier d'Allah Azza wa Jal d'inventer des chemins et des manières d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala lorsque ce dernier subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre un certain chemin dans cet appel à lui tabaraka wa ta'ala. Et ce chemin que Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin qui nous est ordonné de suivre par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Le shir de nous dire ici dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, appelle. Il nous dit que ceci est un ordre d'appeler à Allah puis il dit au sentier. Appelle les gens au sentier. Il nous dit que au sentier ici est comment dire en français le mufrad, le singulier, ahsant, jazakallah khair. Et singulier, ce mot, le sentier, est au singulier. Pourquoi? Le shir de nous dire que Allah Azza wa Jal a utilisé ce mot, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika. Sabil, le mot sentier, est au singulier. Pourquoi? Car le sentier d'Allah Azza wa Jal est unique. Le sentier d'Allah Azza wa Jal est unique. Et comme cela, le shir de nous dire, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Le droit chemin. Un seul chemin qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir de nous dire, à l'inverse, des sentiers de l'égarement qui sont maintes et maintes, qui sont multiples. Ensuite, le shir de nous dire qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset par la sagesse. Donc Allah Azza wa Jalla nous a montré la voie, nous demande d'appeler, ou demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le shir de nous dire qu'il demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande à nous qui appelons au sentier d'Allah Azza wa Jalla de suivre les traces de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelle au sentier d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Le shir de nous dire par la sagesse. Le shir de nous dire qu'est-ce que la sagesse? Il nous dit ici, Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'appeler au sentier d'Allah Azza wa Jalla par la sagesse, donc d'appeler chaque personne de la manière qui lui convient, de la manière qui convient sa place, son rang social, sa place dans la société, comme ce qui convient au temps dans lequel tu vas appeler cette personne, c'est-à-dire le temps, l'époque à laquelle tu vas faire cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir doit nous dire que les gens de science ont divergé sur l'explication, sur le sens de al-hikmah, la sagesse, quelle est-elle? Et le shir de nous dire, habidahullahu tabaraka wa ta'ala, que ils ont divergé sur un grand nombre de paroles qui ont atteint, pour certains d'entre eux, ils ont rappelé que cette divergence a atteint 11 paroles différentes sur le sens de al-hikmah, la sagesse. Et le shir de nous dire que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dans son livre, qui est un livre très précieux, qui s'appelle Madarij al-Salikin, je pense, le sentier des itinérants, ils traduisent en français, dans ceux qui ont fait la traduction de ce livre, le sentier des itinérants, Madaris Salikin, qui est un livre très précieux, comme nous le dit le Cheikh, nous dit que cet imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a rappelé que le sens de cette parole, al-hikma, la sagesse, était le fait de faire ce qui convient, de la manière qu'il convient, au moment opportun. Al-hikma, la sagesse, c'est le fait de faire ce qu'il convient, de la manière qu'il convient, au moment opportun. Le shir de nous dire, donc, nous sommes ordonnés de suivre, il nous a été ordonné de suivre la parole qui a été donné ou l'ordre qui a été donné par Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, au sentier d'Allah, pas à nos propres personnes, pas à notre groupe, pas à nos, à notre parti, mais à Allah uniquement et à son sentier tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le fait que cet appel soit fait avec sagesse. Et le shir de nous dire que parmi cette sagesse, il y a le fait d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala avec science. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans cet autre verset de son livre tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors, il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Le shir de nous dire que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté ce verset dans son livre Kitab al-Ilm, le livre de la science, le livre du savoir, et il a rapporté ce verset dans ce livre, le livre du savoir, dans la porte, dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, la science avant les actes et les paroles. Avant les paroles et les actes. La porte de la science qui précède les paroles et les actes. Puis le shir de nous dire que nous voyons cela, l'application de ce verset dans le hadith qui nous est rapporté, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un émissaire au Yémen. Cet émissaire était Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Il l'a envoyé au Yémen afin qu'il appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'il fasse cette da'wa, cet appel à Allah azza wa jalla, à son sentier. Et il lui dit, lorsqu'il l'envoya au Yémen, dans le sens approximatif de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, que la première chose à laquelle tu appelleras les gens du Yémen soit la ilaha illallah. Et dans une autre version, comme nous le dit le shir, à ce qu'ils unifient Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid. Et le shir de nous dire que nous, que les gens de science ont pris de ce hadith le fait que الدعوة, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, se fait du plus important vers le moins important. On commence toujours par la chose la plus importante. C'est-à-dire que la première chose à laquelle tu dois appeler est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, التوحيد. C'est ce que les gens de science ont retiré et ont compris de ce hadith. Et le shir de nous dire que cela fait partie de la hikmah, cela fait partie de la sagesse, le fait de commencer par la chose la plus importante et d'aller du plus important au moins important. Ou plutôt d'aller du plus important à ce qui est moindre, à ce qui est en dessous de cela. Le shir de nous dire que comme cela, la sagesse et le fait de, d'appeler les gens au secret d'Allah Azzawajal avec douceur. Avec douceur. Comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths, comme cela, le hadith où les juifs de Médine sont passés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, il était avec notre mère, Aïcha, radiallahu anha, et ils lui dirent, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum, que la mort soit sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et sur vous. Ou plutôt, assalamu alayka, que ce soit sur toi. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, et sur vous. Et Aïcha, radiallahu anha, notre mère, a répondu, et que la mort ainsi que la colère d'Allah azzawajal soit sur vous. Et ainsi que la colère, pardon, et le. Elle leur dit que la mort, ainsi que la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la malédiction, jazakumullah khair, ainsi que la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala soit sur vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interpeller Aïcha. Et le shir nous dit qu'au moment où il l'a interpellé, lui a dit ya Aïcha, c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe tarhim al-munada, le fait d'effacer la dernière ou les deux dernières lettres de celui qu'on appelle. Il n'a pas dit « Oh Aïcha », il a dit « Oh Aïcha ». Et ça, c'est une manière d'être doux avec elle. Pourtant, il est dans une position, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il va l'éduquer. Il éduque notre mère, Aïcha radiallahu anha, ici. Il va l'éduquer, comment ? Avec douceur. Il lui dit « Ya Aïcha ». Et jusqu'à la fin du hadith, et où il lui dit, n'as-tu pas entendu, ou Aïcha radiallahu anha lui dit, dans le sens de ses paroles, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et le prophète sallam de lui dire, n'as-tu pas entendu toi, qu'est-ce que je leur ai dit? Je lui ai dit, et sur vous. Et le shir nous met en évidence ce hadith pour nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux. C'était la plus douce des personnes à des moments, au moment d'éduquer ses compagnons. Donc il convient à celui qui appelle au sentier d'Allah Azzawajal d'être doux comme était doux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il est venu dans maintes et maintes ahadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, approximatif de ses paroles, comme le shir nous a rappelé que Allah Azzawajal est doux et il aime la douceur. Comme cela, la douceur n'a pas été dans une chose sans que cette chose n'en soit par elle embellie, dans le sens approximatif de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir nous dire que ce qui rentre dans la sagesse, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'appeler les gens à ce qui est le plus important et après d'aller vers ce qui est en dessous de cela, comme il l'a rappelé précédemment le shir. Et le shir de nous dire que dans ce qui rentre dans cela, le fait d'appeler les gens plus important, puis d'aller vers les choses qui sont en dessous de cela, le fait d'appeler les gens en premier lieu au tawhid d'Allah Azza wa Jal et de les mettre en garde contre shirk, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire donc la chose la plus importante de les appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à les mettre en garde contre l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, il rentre dans cela le fait d'appeler les gens en premier lieu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en les mettant en garde en même temps que cela contre les innovations, le bid'a, en les mettant en garde contre les innovations dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire par ces deux choses là l'appel à Allah azza wa jal et le fait de mettre en garde contre l'association, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de mettre en garde contre les associations, ainsi que d'appeler à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mettre en garde contre les innovations, par ces deux choses là notre communauté sera réformée. Il y a dans cela la réforme de notre communauté. Et le shir veut dire, et ceci est le sens de l'attestation de foi. Le shir de nous dire que si cet appel à Allah Azza wa Jal atteint son but par la sagesse, eh bien c'est une bonne chose. Mais si par la sagesse l'appel à Allah Azza wa Jal n'a pas été le but de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas été atteint, à partir de là il te conviendra d'appeler à Allah Azza wa Jal par la bonne exhortation, Car Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset que le shaykh explique ici par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens sortis de ton Seigneur. Le shaykh veut dire si le but est atteint par la sagesse, c'est une bonne chose. Mais s'il n'est pas atteint par la sagesse, il faut que tu appelles par la bonne exhortation avec cela, avec la sagesse et la bonne exhortation. Le shaykh de nous dire, habidahullahu tabaraka wa ta'ala, que la bonne exhortation se fera comme la sagesse en fonction de la personne qui est en face de toi, en fonction de son état, en fonction de sa place, de son rang, en fonction de l'époque dans laquelle tu feras cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Le shaykh de nous dire que les savants, les gens de science ont divergé sur le sens de la bonne exhortation. Et le shir de dire que ce qui a été dit à propos de ça, de la bonne exhortation, c'est le fait d'appeler les gens selon ce qui est contenu dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui repoussent les gens, pour bien m'exprimer, entre parenthèses, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, que c'est, je vous fais un résumé du cours et la traduction approximative du résumé du cours. On n'a pas la prétention d'être des traducteurs, on essaie de faire en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis afin d'aider nos frères. Voilà, je ferme cette parenthèse. C'est pour ça que les frères, je remercie tout le monde qui m'aide et qui font des remarques sur la traduction et qui peuvent m'aider même pendant le moment de la traduction lorsqu'ils sont persuadés de la traduction qu'ils mettent en avant. Barakallahu fikoum. Donc le chef veut dire que les savants ont divergé sur le sens de la bonne exhortation et ils ont dit que la bonne exhortation est le fait d'appeler les gens selon ce qui est contenu dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les choses qui repoussent les gens à faire ce que Allah Azza wa Jalla a interdit dans son livre et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans sa sunna et ces choses qui les mettent en garde contre eux, ces dernières. C'est-à-dire que tu appelles que la bonne exhortation est le fait d'appeler les gens avec ces choses qui mettent en garde contre les interdits qui se trouve dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela, les choses, le fait d'appeler les gens, le shirk explique après cela, le fait d'appeler les gens par c'est donc le fait de leur faire peur, de leur faire peur, de les appeler avec cette crainte, de faire les interdits, ou de rentrer dans les interdits qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans sa sunna. Et de leur donner l'espoir et de leur donner l'envie de faire, de leur donner l'espoir en la récompense d'Allah Azza wa Jalla et leur donner l'envie de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné dans son livre, comme cela, leur donner l'envie de mettre en application ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur a ordonné dans sa sunna. Cela pour résumer la parole de notre cheikh, habidahullahu. Et le shirk nous dit que d'après cette explication de la bonne exhortation, cette bonne exhortation a un effet incroyable sur le cœur des gens. Le fait de les appeler en leur faisant peur, en leur mettant la peur, et en même temps en leur donnant l'espoir en la récompense d'Allah Azza wa Jalla et en leur donnant envie de faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné. Et comme cela, le shirk illustre d'après le hadith qui est rapporté par Al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu, où il explique ce hadith qui est connu, où il dit dans l'introduction de ce hadith, Al-Irbad radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, nous a fait une exhortation, une grande exhortation, comme on peut le traduire communément, et cette exhortation dont les cœurs ont tremblé et que les yeux ont fait couler ou que les larmes ont coulé des yeux, c'est-à-dire l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait couler les larmes de leurs yeux et a fait trembler leur cœur. C'est bien cela l'exhortation, et le shirk nous prend ce hadith comme illustration de ce que veut dire la bonne exhortation. Le shirk va nous dire ensuite que les gens de science on rappelait aussi que dans la bonne exhortation, il y a le fait d'expliquer aux gens ce que Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour eux dans l'au-delà, que ce soit en bonne récompense ou en châtiment. La bonne récompense pour celui qui fera le bien, et ce que Allah lui aura ordonné, le châtiment pour celui qui se sera détourné de cela et aura fait ce que Allah azawajal lui aura interdit. Tout cela rentre dans l'appellation de la bonne exhortation. Ensuite, le cheikh nous explique cette partie du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles et discute avec eux de la meilleure façon. Parce que dans le verset, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont les bien guidés. Et discute avec eux de la meilleure des façons. Le shir de nous dire, comme nous avons dit précédemment, le fait de discuter avec eux de la meilleure des façons, cela en fonction de l'état de chacun d'entre eux, en fonction de son rang, en fonction de l'époque à laquelle tu fais cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire que ce n'est pas n'importe qui que tu appelles avec sagesse, ou plutôt, pardon, ce n'est pas n'importe qui que tu appelles, pardon, avec la bonne exhortation. Ce n'est pas n'importe qui que tu vas appeler avec la bonne exhortation. Pourquoi ? Le shir nous dit, car il y a des gens qui ont des ambiguïtés. Il y a des gens qui sont sur du faux et de l'égarement. Et ils pensent que certaines choses sont des preuves qui leur permettent de rester sur cet égarement, qui leur autorise cet égarement sur lequel ils sont. Ils pensent être des preuves qu'ils prennent du livre d'Allah et de la sunna du prophète, mais qu'ils n'en sont pas. Donc ce sont des ambiguïtés. Et à ce moment-là, le cheikh nous dit qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, en suivant la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de discuter avec eux de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Le cheikh de nous dire, celui d'entre eux qui a besoin de cette discute, de cette discussion, le fait de discuter avec lui de la meilleure des manières, eh bien, à ce moment-là, il conviendra à celui qui appelle au sentier d'Allah Azza wa Jal de venir vers lui et d'appliquer ce verset, de discuter avec lui de la meilleure des manières. Le shir doit nous dire, regardez, en cela, l'histoire de Moussa, alayhi salam, et de son frère Haroun, alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jal les a envoyés vers Pharaon, et il leur a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, dites-lui, donc il parle, tabaraka wa ta'ala, Moussa et Haroun, dites-lui ou tenez-lui une parole douce. Tenez-lui une parole douce. Dites-lui une bonne parole, une parole douce. Peut-être ainsi, il se rappellera ou il craindra. Peut-être ainsi, il se rappellera ou il craindra. Donc, à ce moment-là, le shir nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé deux de ses prophètes vers Pharaon afin de discuter avec lui. De quelle manière ? De la meilleure des manières, de la meilleure façon, comme dans ce verset. Et comme cela, le shir nous dit que dans plusieurs versets de son livre, il nous ordonne cela. Comme il dit dans un autre verset, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit aux gens une bonne parole. Comme cela, dans le sens approximatif de ses paroles, comme cela, dans un autre verset où il dit ne discutez pas avec les gens du livre que de la meilleure façon, de la meilleure des manières, sauf avec ceux qui ont été injustes. Et le shir de nous dire, regardez, il n'a pas dit de la bonne manière, il a dit de la meilleure des manières. Il n'a pas dit de la bonne manière, il a dit de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, dans tous ces versets que le shir nous a cités. Ensuite, le shir de nous dire que ô toi, celui qui appelle au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se peut que il t'atteigne des nuisances. Il se peut que certaines personnes te nuisent dans cela, dans cet appel que tu fais à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais toi, tu ne veux par cela que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne désires par cela pas la vie d'ici-bas, mais tu désires l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire que nous sommes, nous, ordonnés d'appeler au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré. Donc, ou ce que Allah azza wa jalla nous a légiféré et ce dont il a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sagesse et la bonne exhortation et appeler les gens de la meilleure des manières. Puis le shir de nous rappeler une parole qui est qui a été dit par ce grand savant qui est Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, dans le sens approximatif de ses paroles. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, cet imam Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, si cet appel à Allah Azza wa Jal, cette da'wa, elle est faite avec dureté, eh bien, elle fera plus de mal que de bien. Elle sera plus nuisible qu'elle ne sera profitable. Il ne convient donc pas que l'amr bil ma'ruf, le fait d'ordonner le bien, soit donné, cette chose-là, le fait d'ordonner le bien, cette obligation, ou plutôt ce travail-là, soit donné d'une manière sans condition, seulement à celui qui aura réuni la science, le savoir et la sagesse, ainsi que la patience devant les nuisances des gens. Le shir nous dit ici de bien méditer sur cette parole, la parole de cet imam Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, où il dit que cette chose-là, le fait d'ordonner le bien, c'est-à-dire da'wa, l'appel à Allah Azza wa Jal, le fait d'ordonner le bien, il ne sera pas donné, cette obligation, ce travail ne sera pas donné d'une manière sans condition à une personne, seulement si elle aura réuni le savoir, la science, la sagesse, ainsi que la patience face aux nuisances qui lui sera faite par les gens au moment où il fera cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir de nous dire, méditez bien sur cette parole du shir, la patience face aux nuisances des gens, car il est obligatoire que cette nuisance t'atteigne lorsque tu fais cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de dire ensuite, le shir Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, de dire, car le fait d'ordonner le bien est le travail des messagers. Donc ceux qui ont suivi les messagers, il est obligatoire pour eux, c'est une chose qui sera obligatoire, qui sera indissociable de leur appel à Allah Azza wa Jal, que la nuisance des gens leur atteindra comme cette nuisance aura atteint les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala. Et pour finir, le shir de nous dire, comme cela, Luqman, ce serviteur pieux d'Allah tabaraka wa ta'ala, a ordonné à son fils d'ordonner le bien, de réprouver le mal et de patienter sur ce qui l'atteint parmi les nuisances des gens. Comme cela, Waraqatu ibn Nawfal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que ce dernier a reçu la révélation, qu'il est parti voir sa femme Khadija, qui celle-ci l'a emmené voir son cousin, Waraqa lui a expliqué ce qui l'atteindrait parmi ses nuisances. Il s'est étonné, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, vont-ils me faire sortir de chez moi? Vont-ils me mettre dehors? Dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraqatu ibn Nawfal lui a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, le hadith est dans le Bukhari, il dit, il n'y a pas une personne qui est venue avec la chose avec laquelle tu es venu sans qu'il lui ait été fait des nuisances, sans qu'il lui a été sans qu'il n'ait trouvé un ennemi, un adversaire. Et le cheikh de terminer ce cours en disant qu'il est impératif pour celui qui appelle al-da'i, celui qui appelle au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, de suivre les enseignements de ce verset et d'être assidu dans son appel à Allah tabaraka wa ta'ala et de patienter devant ces nuisances qui peuvent l'atteindre, et avant cela d'être assidu et de redoubler d'efforts dans le fait d'acquérir la science profitable et de redoubler d'efforts dans le fait d'œuvrer des œuvres pieuses, car ces deux choses-là, la science profitable et les deux œuvres et les œuvres pieuses, sont les provisions de celui qui appelle au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shirk de terminer ce cours en conseillant à celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala de mettre en œuvre tous les enseignements que nous avons appris dans ce verset. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Le cheikh a répondu à une question que je lui ai posée d'un frère. Cette question, on la traduira peut-être au prochain cours, en tout cas parce que le frère, c'est un frère qui m'avait demandé cette question, c'est une question propre à lui, et le cheikh, donc je vais traduire cette question, et si le frère autorise, on mettra la traduction, on la fera devant tout le monde aussi au prochain cours, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa hayyakumullah. Et le prochain cours sera demain ou après-demain, inshallah ta'ala. Vous aurez des nouvelles des frères du site Ahl al-Dhikr. Habidakumullah wa ra'akum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.